Le journal américain Washington Post a rapporté le 16 les scandales de Pakoune et de Chosun-sil, en soulignant qu'après 1987, des présidents sud-coréens s'étaient mêlés aux corruptions, mais c'est la première fois que le président au cours de son mandat est soumis à l'enquête du parquet comme Pakoune.